L'heure du berger. Hier, Lisette, toute sellette, au bois filant, alloua chantant la chansonnette. Elle s'assit au bord de l'onde claire et profonde. Deux fois civie, jeune et mignonne, et la friponne deux fois sourit. Puis, avec grâce, ses pieds penchoient et se joua sur la surface. Discret témoin, son chien fidèle étoie près d'elle. Tandis qu'au loin, dans la prairie, l'agneau naissant, à l'oie paissant, l'herbe fleurit. Le long du bois, je fais silence, et je m'avance en tapinois, puis en cachette, me rapprochant, et la tirant tout doucement par la manchette. Salut à vous, bonjour ma reine. N'ayez courroux qu'on vous surprenne. À vos chansons, nous vous prenons pour Philomèle. Si bien qu'elle, vous cadenciez, ma toute belle. Mais mieux feriez si vous aimiez aussi bien qu'elle. Plaire, charmer, surtout aimer, c'est le partage, c'est le savoir et le devoir du premier âge. J'ai 14 ans, répond Lisette. Je suis trop jeunette, et je n'entends propos d'amant. Une fillette ne trouve rien en amourette que du chagrin. On a beau faire, tous les galants sont inconstants, me dit ma mère. Lors, un soupir vint la trahir, et du plaisir fut le présage. Le lieu, le temps, l'épais feuillage, gazon naissant à notre usage, tout me servoit contre Lisette. À sa défaite, tout conspiroit. Elle s'offense, menace, fuit, puis s'adoucit, puis recommence, pleure, gémit, se tait, succombe, chancelle et tombe. En rougissant, elle se lève, sur moi soulève son œil mourant, en me serrant avec tendresse, dit « Cher amant, aimons sans cesse, que nos amours ne s'affaiblissent et ne finissent qu'avec nos jours. »